Boudin. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, pour le pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio, si vous 5 novembre 2024. Vous êtes bien sur le 89.5 de la bande FM, et oui, qui depuis quelques jours est enfin stabilisé concernant notre émission hertzienne et diffusion hertzienne. Voilà plutôt un bon signe. Vous nous retrouvez également au-delà de nos frontières stéphanoises, forésiennes, ligériennes, de par le monde via les www.radiodio.org pour le stream et pour d'autres infos, podcasts mis en ligne via notre site internet. Bienvenue dans ce programme des mots, des sons sensibles. Une nouvelle semaine qui s'ouvre en cette fin de mois de novembre avec un nouveau numéro, nouvelle édition de ce programme d'actu politique, sociale et culturelle. Il sera question aujourd'hui d'actualité, eh bien, plutôt culturelle. Avec à l'honneur un sujet. Nous allons revenir sur un événement littéraire. Sur la vallée du Gier, le Gier, qui fait bouger les lignes, un événement, lancement de cet événement littéraire de page en page avec le réseau itinérance des médiathèques du pays du Gier. En effet, le 13 novembre dernier, j'étais présent au lycée hôtelier de Saint-Chamond pour un programme consacré à la présentation de ce nouvel événement littéraire de page en page, l'événement littéraire du Gier qui fait bouger les lignes, vous en saurez davantage. Précisément en rencontrant les élus en charge de ce réseau itinérance qui était aussi un réseau qui fête ses 10 ans d'existence. Et puis ce sera l'occasion de présenter les 4 livres en compétition, les animations et le programme culturel qui va être programmé pour l'année à venir. En effet, c'était l'occasion de présenter ces 4 lauréats qui sont donc en compétition. Retour sur cet événement du 13 novembre dernier. Principal menu contenu de ce programme avec plein d'autres infos à vous faire part, bien entendu, forme d'agenda assez fournie en ce début de semaine. Autant vous dire que nous sommes aussi un peu fatigués en ce lundi, comme tout lundi, vous me direz. Toujours difficile d'entamer une nouvelle semaine, mais plus particulièrement après ce grand week-end passé, on vous le rappelle, 18h de direct du Parc Expo. Nous étions en effet sur le rendez-vous de la transition écologique, le salon Tatou Juste, ce samedi et dimanche, de 10h à 19h. Voilà, donc forcément, en ce lendemain d'eux, c'est plutôt chose difficile et on s'en remet tout juste, ou Tatou Juste. Vous aurez l'occasion de retrouver l'ensemble des productions, ce fut près de 25 rencontres, interviews, tables rondes et autres qui ont été réalisées ce week-end en partenariat avec notre radio aussi cousine et voisine, Radio Andenne à Firminy, très prochainement. Voilà, le temps aussi de dérocher tout cela, comme l'on dit. Nous mettrons tout cela en ligne et à disposition, bien sûr, via notre site internet radiodio.org. Des mots, des sons sensibles s'ouvrent en musique, comme à notre habitude, avec nos découvertes, partenariat Ferrarock, notre fédération nationale des radios associatives rock de France, double artiste album en découverte chaque semaine, en présentation, diffusion et pas en jeu concours. D'ailleurs, exceptionnellement pour cette semaine, pour les deux propositions faites. En tout cas, arrêtons-nous sur une de ces découvertes et partenariats cette semaine. C'est un grand plaisir de retrouver ce projet et cet artiste-là, Garcia Phone, dont nous avions déjà parlé en son temps sur cette antenne, puisque cela fait 7 ans, 7 ans, c'est le temps qu'il a fallu à Olivier Pérez pour revenir avec ce nouvel album en cette année 2024. L'album est sorti il y a quelques jours, c'était le 8 novembre dernier. Il faut dire qu'Olivier Pérez reste très et a été surtout très actif. En effet, entre Barcelone, Clermont-Ferrand, où ce projet est aussi basé, on peut donc aussi défendre là un projet régional. Voilà, il est aussi entre pratiques artistiques diverses, dessin et puis musique bien entendu. Il a tourné notamment avec le groupe new-yorkais Elysian Fields, qu'on apprécie aussi particulièrement sur cette antenne. En tout cas, voilà, cette année, c'est aussi le temps qu'il a fallu donc pour l'écriture et imposer le retour de ce nouvel album. Il avait déjà réalisé un très beau Dream Meter qui était sorti en 2017. Le voilà avec Ghost Fire, c'est ce nouvel album. 10 morceaux, des mélodies tout à fait efficaces, sans détour. C'est assez doux. J'apprécie particulièrement Olivier Pérez et son travail au sein de Garciaphone. Très resserré pour la durée de ce long format, en moyen format en termes de temps, puisqu'il vous fera tout simplement, il faudra une demi-heure pour écouter cet album d'un bout à l'autre, avec de belles orchestrations subtiles comme on l'apprécie et comme je l'apprécie. On retrouve notamment les fidèles à ses côtés, Zachary Boisseau et Clément Chevrier, qui sévissent au sein du projet The Delano Orchestra, qu'on apprécie aussi particulièrement. Et puis celui qui sévit au sein de Midget ou Cheval Rex moque de retour aussi et accompagne ce disque et ce projet d'Olivier Pérez. Je vous propose de découvrir Ghost Fire avec la deuxième plage que j'ai sélectionnée de cet album. C'est le titre Someone Else Dreams que je vous propose de découvrir. Des mots, des sons sensibles. Bienvenue à vous, c'est parti. Tower I was building, so afraid I was to lose the meaning. The bricks keep piling up around and inside of me. Staring at the wall, watching my shadow come to life while I'm moving. Now that the light is on me, where's the shadow and who's watching? The shaky. Only for greenery, slowly turned his back on me, longs for a change in scenery. Why is that you can't stop for a minute and start contemplating? You don't know how to look closely without putting on blinders. Why is that you can start anew and stop for a while of brooding? A veil of meaninglessness laid upon all things. All the good intentions brought, you hear where everything came to a heart. Are you holding on to someone else's dreams? Thank you. Une reprise et ouverture tout en douceur, véritable caresse musicale. Garcia Phone, Ghostfire, issu de cet album Someone Else Dreams que l'on vient d'entendre. Et on retrouve comme ça, voilà, dans ce registre très folk, hein, qui bien sûr nous renvoie à ces quelques fantômes références, que ce soit Elliott Smith, Tim Hardin, Nick Drake, et puis d'autres instrumentations. Belle orchestration, hein, réalisée ici, violon, sitar, zaz, bouzouki qui tapisse aussi discrètement. Les couplets, je le disais, 10 titres, 10 morceaux qui composent cet album. En une demi-heure, vous en aurez fait le tour. Il s'agit de Ghostfire de Garcia Phone, qui est sorti en coproduction avec Microculture Records, mais en copublication avec Only Lovers Records également, et distribué par l'autre distribution. L'album est sorti le 8 novembre dernier. Cela fait donc l'objet de découvertes et partenariats Ferrarock aux côtés de Dead Chic, Serenades et Damnation, qui est sorti chez Bon Sound le 8 novembre dernier également. Vous aurez toutes les infos en détail en vous rendant bien sûr sur le site dédié ferrarock.org et en écoutant notre programme mutualisé et collectif Dig Dig Diggers pour une nouvelle semaine et une émission spéciale ce vendredi. C'est Radioactive qui a réalisé l'interview auprès de Dead Chic. Bob FM a rencontré Garcia Phone et vous en saurez donc davantage sur ce Ghostfire. Et puis enfin et encore un troisième module événement réalisé par Radio Pulse autour du Motocultor 2024, un festival que Dio a suivi également via notre émission spécialisée Overdrive que vous retrouvez chaque vendredi à 21h30. Voilà pour les Ferra cette semaine. Dig Diggers, c'est ce vendredi 12h, 19h, lundi en matinale dès 8h. Lundi 25 novembre, nous sommes le 25 novembre. Et vous savez que c'est l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui a choisi en 1999 de proclamer le 25 novembre comme journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors lors de cette journée, eh bien, des opérations de sensibilisation sont menées par les gouvernements, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les associations, les collectifs pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Alors avant de vous rappeler les dispositifs mis en place pour faire face à ce phénomène toujours aussi important et grave, retour sur un communiqué que vous pourrez suivre à nouveau en vous rendant sur le site participatif collaboratif le numéro 0, le numéro 0.info, qui rappelle cette manifestation de ce 25 novembre. Il y a eu plusieurs actions que nous avons remplies, une manif intersyndicale et associative ce samedi à Saint-Étienne et Rouen, une action menée par le nouveau planning familial et Sport Autrement, le club autour d'ateliers et d'outils aussi à mettre en place, qui était proposé hier ce dimanche. Eh bien voilà une manifestation qui aura lieu ce soir, une manif de nuit féministe contre les violences patriarcales. Je rappelle que cette manif se déroulera sans hommes cisgenres hétéros et je voulais simplement relayer ce communiqué. Il me semblait aussi important de vous l'exprimer et le communiquer, même si nous aurions bien sûr préféré que les principales concernées et ES aussi puissent l'exprimer aussi à ma place, mais soyons alliés aussi sur cette question, bien entendu. Je vous fais part de ce communiqué. En cette date symbolique, nous commémorons nos morts, nos mortes, et exprimons notre rage face aux violences patriarcales qui continuent de détruire nos vies. Notre lutte féministe est une lutte contre tous les systèmes d'exploitation et de domination. Par conséquent, notre lutte est anticapitaliste, antiraciste, contre l'islamophobie et l'antisémitisme et antivalidiste. Face aux politiques toujours plus répressives et paternalistes, notre lutte est solidaire des travailleurs travailleuses du sexe. Elle se doit également d'inclure les enfants qui subissent la domination adulte, qu'elle soit physique, verbale, institutionnelle ou sexuelle, trop souvent oubliée des combats. Notre lutte féministe est une lutte contre la transphobie et contre toutes les personnes qui cherchent à exclure les personnes trans de nos espaces de lutte. Nous nous révoltons aux côtés des personnes trans pour notre autonomie reproductive et contre le pouvoir que l'État, les médecins et les psychiatres s'arrogent sur nos corps et nos vies. Au lendemain de la journée du souvenir trans, qui avait lieu le 20 novembre dernier. Nous pensons à nos sœurs disparues qui ont lutté et toutes celles qui continuent de se soulever face aux violences du patriarcat, cisgenre, hétérosexuel. Les médias sont complices, bien souvent, de la diffusion et de la transmisionnie. Nous sommes solidaires de tous les actes qui s'opposent à ces transphobes et à la diffusion de leurs idées fascistes. Notre lutte féministe est une lutte contre l'État et sa domination, contre cet État colonial qui réprime violemment les insurrections dans ses propres territoires colonisés en Kanaky, Martinique, Guadeloupe, à La Réunion, qui soutient le génocide en Palestine et qui participe aux guerres à travers le monde en vendant toujours plus d'engins de mort. Contre cet État raciste qui cherche à instrumentaliser nos luttes en ciblant les personnes racisées et les migrants pour légitimer ses politiques migratoires toujours plus fascistes et meurtrières, face à ses discours et à ses lois, nous luttons pour l'abolition des frontières et des centres de rétention administrative qui sont des prisons pour étrangers, étrangères. Nous refusons que nos luttes féministes soient instrumentalisées par l'État pour maintenir son pouvoir et agir pour ses propres intérêts, jamais les nôtres. Notre lutte féministe est une lutte anticarcérale et contre toute forme d'enfermement, que ce soit en prison ou en hôpital psy, contre les discours de certaines féministes qui demandent toujours plus de répression. Nous luttons pour l'abolition de la police, de la justice, de la prison. Ces institutions ne pourront jamais être nos alliés et participer à notre émancipation. Elles servent à maintenir l'ordre social et l'exploitation capitaliste en ciblant toujours les mêmes, les pauvres, les personnes racisées, les étrangers, les étrangères, les travailleurs, travailleuses du sexe, celles qui voudraient faire reconnaître les violences vécues font face à la violence de la police et de la justice patriarcale qui dissèquent leur vie, mettent en doute leurs récits et les dépossèdent de leurs choix. Les violences sexuelles et sexistes y sont vues comme des actes isolés et ce système ne remet pas en cause la culture du viol et les rapports de domination. Loin de prendre en compte les demandes et besoins des femmes et des minorisés de genre, ces institutions cherchent à les contrôler, à les psychiatriser, à les incarcérer lorsqu'elles sortent des normes ou qu'elles osent se défendre et rendre les coups. Enfin, nous appelons à se responsabiliser pour ne plus déléguer ces questions à des institutions extérieures. Réagissons quand nous sommes témoins de violences sexistes et ou sexuelles, nommons-les, dénonçons-les. Réfléchissons collectivement pour nous emparer de ces questions en dehors du système carcéral, pour que la peur change de camp. Organisons la riposte collective la nuit du 25 novembre. Il s'agira donc de reprendre la rue, de porter des cris de colère et de résistance, de révolte pour un monde libéré de toute domination et exploitation. Une lutte en lumière. Un rendez-vous est donné à 18h30, place du Peuple à Saint-Étienne, pour cette manifestation de nuit contre les violences patriarcale, sans hommes cisgenres, hétéros, on le rappelle, en place du Peuple, 18h30, arrivée place du Peuple également pour cette manif de nuit de ce 25 novembre. Infos certes plus institutionnelles, car ce sont les chiffres là officiels de violences conjugales enregistrées par les services compétents en la matière en 2022, 244 000 victimes, soit une augmentation de 15% par rapport à 2021, qui sont en grande majorité des femmes, des violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires, qui se répartissent ainsi, physique pour les deux tiers, 65%, verbal ou psychologique dans 30% des cas, sexuel pour 5%. Et comme en 2021, la Seine-Saint-Denis, la Guyane, le Pas-de-Calais, le Nord et la Réunion sont les départements qui affichent les plus forts taux de victimes enregistrés pour 1000 habitantes âgés de 15 à 64 ans. Il y a un site dédié, gouvernemental certes, le site arrêtonslesviolences.gouv.fr qui oriente vers les numéros d'appel ou plateformes de signalement en ligne des violences conjugales, sexistes ou sexuelles. On rappelle le 3919, la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences qui joignent à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a également le 08 victimes, un numéro dédié à toutes les victimes de violences. Là aussi, quel que soit le préjudice subi, victimes ou témoins de harcèlement peuvent contacter le 08 victimes 7 jours sur 7 de 9h à 21h. La plateforme Mémo de vie, qui est portée par la Fédération nationale d'aide aux victimes, France Victimes. Et puis d'autres services en ligne que vous pourrez retrouver ici et là. On le rappelle, notamment un nouveau dispositif annoncé ce matin, qui devrait être étendu et qui devrait permettre de déposer plainte, car il s'agit aussi d'encourager à cela dans des hôpitaux notamment, dotés d'un service d'urgence ou gynécologique, qui devrait être étendu à 377 établissements d'ici la fin d'année 2025. Donc c'est un dispositif qui devrait permettre à des femmes victimes de violences sexuelles de déposer plainte dans un hôpital donc doté de ce service. C'est ce qu'a annoncé ce matin la secrétaire d'État chargée de l'égalité contre les femmes et les hommes, Salima Saar. Voilà pour ce 25 novembre 2024. Place aux femmes dans un tout autre registre, une nouvelle association stéphanoise qui souhaite soutenir et mettre en valeur les musiciennes et plus largement les femmes artistes en les plaçant au cœur des événements culturels qu'elle organise. Il s'agit de l'association Ondulée, l'association qui a également pour objet la démocratisation de la pratique artistique en proposant des ateliers, des rencontres, des activités de médiation. Donc c'est une sorte de fête de naissance pour lancer cette nouvelle aventure. Ondulée sera lancée officiellement ce samedi 30 novembre à partir de 18h30 à la Cale. L'entrée y est pré-libre, c'est à partir de 18h30 et un concert de celle qui est aussi à l'origine de ce projet et de cette initiative. Il s'agit de Mélia qui sera en concert, chanson pop française, donc à partir de 20h30, une performance surprise à partir de 22h et un autre concert avec Mathilde Nègre à partir de 22h30. Voilà, ça se passe donc ce 30 novembre à la Cale, bien sûr, quartier Crédroc, rue Royer à Saint-Étienne. Une autre amicale laïque pour un autre événement qui nous permet de revenir sur ces questions de violence sexiste et sexuelle. C'est d'abord un temps de discussion, certes, mais aussi un temps de spectacle. Le spectacle Trou, plus discussion, écoute des besoins des victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est la compagnie Mathilde Payette, Ultra Nix, qui proposeront ce spectacle. Ce sera, vous pouvez d'ores et déjà noter la date, le 1er décembre prochain, à 17h, à l'Amicale Laïque du Côte Chaude, qui est située 11 rue André Chénier. C'est avec la Laverie également qu'a lieu cet événement. Donc vous pouvez voilà, noter ce rendez-vous avec ce concert compté. C'est du théâtre, de la chanson, du rap. Attention, sujet sensible, déconseillé au moins de 15 ans. Dès 16h après ouverture, donc 17h place à ce spectacle. Et puis discussion. Quelle écoute des victimes d'agressions sexuelles? Comment prendre en compte leurs besoins? La compagnie sera là pour échanger précisément avec d'autres personnes qui agissent autour de la justice et de la santé à Saint-Étienne, comme l'association Espace, comme le groupe Femmes Libres de la CNT. Il y aura également le SPIP du centre de détention de Roanne qui sera également présente via l'animatrice en justice restaurative Marie-Béatrice Burnol qui sera présente. Et puis l'association Giddy Up également, structure de lutte contre le sexisme en milieu festif et musical qui sera présent également. Voilà, donc questions, retours, expérience publique, voilà, tout cela en échange, en spectacle. Notez ce rendez-vous le 1er décembre prochain à l'Amicale Laïque de Côte Chaude. Petite rubrique, notre nouvelle rubrique, projet de loi de finances 2025, qui veut la mort des radios associatives. Vous savez que nous avons suivi largement depuis cette annonce de coupe budgétaire ce qui se passe en termes de projet de loi de finances. Vous savez que la séquence de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale s'est fermée le 12 novembre dernier par le rejet par la majorité des députés de l'hémicycle en première lecture de la partie recette du budget. L'examen est donc renvoyé au Sénat sur la base d'un texte et du texte initialement présenté par le gouvernement le 10 octobre dernier. Donc cela remet en cause l'amendement qui permettait de réabonder et de redonner du financement pour les radios associatives locales. Mais donc c'est le texte initial, c'est-à-dire avec sa coupe de près de 35% de son budget, qui sera examiné au Sénat, d'abord en commission, puis en vote plénière, puis une commission mixte paritaire qui sera composée de 7 députés et 7 sénateurs, sénatrices, qui procéderont ensuite aux derniers arbitrages avant un vote en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Alors, la bataille ne recommence pas complètement de zéro, puisque, vous le savez, ce fut une mobilisation assez formidable pour le réseau secteur des radios associatives, via les radios en tant que telles, via nos syndicats représentants, je pense au local, fusion de SNRL et CNRA, bref, syndicats nationaux, qui ont pu rencontrer les parlementaires, ce qui a pu entraîner, je le rappelle, donc l'adoption d'un amendement adopté en commission des affaires culturelles de l'Assemblée, qui avait proposé de recréditer notre fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est notre financement principal. Un réabondement de 12 millions d'euros. Et puis la ministre de la Culture avait exprimé publiquement à plusieurs reprises son engagement à trouver une solution. Et donc le gouvernement avait déposé en effet cet amendement lors du processus à l'Assemblée. Alors ces choses remises en cause, mais pas pleinement, avec bien cette nouvelle séquence du côté du Sénat. Et c'est précisément aujourd'hui les sénateurs, sénatrices qu'il s'agit de mobiliser. Alors nos représentants nationaux via nos syndicats fusionnés au sein des locales ont été auditionnés, c'était le 15 novembre dernier, par des sénateurs et sénatrices dans le cadre de ce futur examen du texte au Sénat. Il y a eu différentes prises de parole, interventions sur ce point et la sollicitation auprès des parlementaires, des sénateurs, sénatrices se poursuivent. Et ce sera le cas cette semaine. Donc voilà, je voulais juste rappeler que la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat devrait s'exprimer ce mercredi 27 novembre sur la question, donc suite à l'avis du rapport Michel Laugier, sénateur, membre de cette commission de culture, qui avait été rencontré lui aussi le 12 novembre dernier. Donc voilà, on va suivre bien sûr attentivement cela, en espérant de nouveaux amendements apportés au texte par les sénateurs, sénatrices, en attendant le dépôt de l'amendement donc du gouvernement avant le vote du texte au Sénat, prévu le 6 décembre, et donc ensuite le passage en commission mixte paritaire en suivant. Voilà, alors nous avons aussi reçu, nous, des soutiens, notamment de nos parlementaires et donc sénateurs, sénatrices locaux. Et c'est l'occasion aussi de remercier en l'occurrence Cécile Kuckermann, Jean-Claude Tissot, qui nous ont témoigné leur soutien et attention sur ce point. Et notamment Jean-Claude Tissot qui nous a rappelé dans la lignée de l'amendement déposé notamment par son collègue député Pierre Courbon à l'Assemblée nationale, nous a confirmé qu'ils redéposeront avec leurs collègues du groupe politique les concernant, socialistes en l'occurrence du Sénat, un amendement à nouveau pour rétablir les crédits du FSER. Bref, à suivre bien sûr concernant ce projet de loi finance 2025 qui impacterait fortement notre secteur et nos financements. Les pauvres, justement, los pobres, ou los pobres, je prononce à peu près correctement, vous savez, c'est de l'occitan, et c'est issu d'un album de nos mécanos locaux. Alors l'occasion simplement de vous rappeler que leur album est sorti fin de semaine dernière, donc l'occasion d'une petite piqûre de rappel, c'est sorti ce 22 novembre chez Lema et Inouï Distribution. Il y a eu ce concert, bien sûr, de lancement de cet album il y a peu, ça le file. Il y aura d'autres concerts, il y en a eu d'autres, ils étaient à Amber pour exemple ce week-end. Il y aura une véritable release party parisienne au mois de janvier prochain avant une tournée 2025. Localement, ils repasseront pour exemple à Montbrison au Festival des Polissons en janvier, le 25, le 14 février à Saint-Martin-la-Plaine, et d'autres dates bien sûr à venir pour l'année prochaine. En tout cas, l'occasion surtout de revenir sur cette sortie discographique. Les Mécanos, chants populaires et percussions à molette, formation locale donc, qui a sorti cet album Usure, qui avait fait l'objet ici même d'une émission avant ce concert salle Le Fil, fêté il y a quelques jours, semaine de cela. Los Pores est le troisième titre single qui est sorti le 8 novembre avant la parution officielle de cet album, donc ce 22 novembre. Issu de Usure, je vous propose donc d'écouter ce titre-là sur le 895 de Duo dans ses mots et sons sensibles. Pense a lupau rezan che vivu dian la tzareiro maluru indizan e fonde la misero pense a lupau rezan che vivu dian la tzareiro Malheureux indigent, effondré la misère. Pensez à nous pauvres gens qui vivons dans la tarée. Pensez à nous pauvres. Los Pores, issu de cet album Usure des Mécanos. Les Mécanos qui viennent donc de sortir ce 22 novembre, enfin cet album, après la release party du 26 octobre dernier au Fil à Saint-Étienne. Et puis une autre attendue l'an janvier prochain, ce sera du côté de Paris au studio de l'Ermitage. Voilà le titre Los Pores donc de ce premier album Usure des Mécanos, disponible depuis ce 22 novembre. Via l'éclectique maison d'artistes, je le disais, le label est distribué par Inouï Distribution. D'ici un instant, nous allons prendre la direction du pays du Gier avec un événement lancé il y a quelques jours, c'était le 13 novembre dernier. Itinérance, c'est un réseau de médiathèques du pays du Gier, comprenant 17 médiathèques et près de 10 000 inscrits, qui organise depuis plus de 10 ans un prix littéraire sur le territoire du pays du Gier. Parmi les précédents lauréats, justement, il y a eu Pierrick Bailly, Brigitte Giraud, que l'on connaît par aussi parfois des adaptations cinématographiques et autres. Et cette année, l'événement va plus loin, toucher plus de public, faire se rencontrer des lecteurs, développer des partenariats locaux pour développer les pratiques culturelles et proposer une programmation itinérante. Ce sont les objectifs de Page en Page, l'événement littéraire du Gier qui fait bouger les lignes. C'est donc un nouveau format qui aura lieu désormais de manière biannuelle et qui s'appuiera à chaque fois sur une thématique. Et pour cette nouvelle version, justement, la sélection d'ouvrages en compétition et la programmation culturelle ont été pensées autour de la thématique de la cuisine, la gastronomie. Et oui, livres et cuisine. Cette manifestation a été lancée le 13 novembre dernier. Nous étions au lycée hôtelier de Saint-Chamond pour une clôture, en tout cas, de ce prix qui n'aura lieu qu'au mois de juin prochain, au mois de juin 2025 donc. Ce fut et ce sera l'occasion d'annoncer tout un programme culturel associé. Durant ce que vous allez suivre d'ici un instant, vous aurez l'occasion d'avoir la présentation des quatre lauréats, les quatre ouvrages retenus dans le cadre de cette manifestation. Et puis donc ce lancement était aussi l'occasion de célébrer les 10 ans de la création du réseau Itinérance, ainsi que les actions et services développés en faveur de la lecture publique depuis 2014 maintenant. Alors c'est ce que vous allez comprendre, entendre, suivre d'ici un instant sur Dieu. Vincent Bonny, maire de Rive-de-Gier, président du syndicat intercommunal du Pays du Gier. Kamel Bouchou, maire de Saint-Paul-en-Jarret, vice-président du syndicat intercommunal du Pays du Gier. Alors on est là ce soir pour le lancement d'un événement littéraire et surtout pour aussi célébrer un anniversaire, c'est les 10 ans du réseau Itinérance des médiathèques du Pays du Gier. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de cette décennie passée, de cette expérience menée sur ce territoire Pays du Gier autour de 21 communes, je crois même concernées plus précisément? Donc le réseau Itinérance a été inauguré en avril 2015, donc qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine. Il permet de rassembler toutes les médiathèques, c'est-à-dire 17 médiathèques sur les 21 communes du Pays du Gier. Et ce réseau Itinérance permet de mettre à disposition plus de 350 000 documents en commun, à disposition de tous les adhérents des médiathèques, hein, et qui permet aussi de créer un certain nombre d'événements, notamment d'événements festifs, comme il a été fait l'Itinérance en fête, hein, qui a lieu chaque printemps. Et puis cette année a une forme nouvelle, qui a lieu sous une forme d'une journée à l'extérieur des médiathèques. C'est un réseau qui vit, qui se développe intensément, qui bouge, qui propose de nouvelles expériences, de nouveaux documents, de nouvelles façons d'appréhender la médiathèque. Et qui propose également un prix littéraire. Donc jusqu'à présent, on avait le prix Romangier, mais qui s'essoufflait un peu, et donc on fait pour cette année un nouveau événement littéraire qui s'appelle De Page en Page, l'événement littéraire du Gier qui fait bouger les lignes, donc une nouvelle façon d'appréhender et d'essayer d'élargir un petit peu notre public, et de faire venir plus de monde dans les médiathèques, en élargissant bien entendu là aussi le choix des documents, passant par la BD, les essais, les romans, etc. Et donc c'est une nouvelle expérience qui débute cette année et qui j'espère pourra durer très longtemps. Alors, 10 ans d'existence pour Itinérance, c'est une expérience unique, je dirais, dans le département, voire dans d'autres régions, ou c'est un système, je dirais, qui est déjà existant et sur lequel aussi vous êtes inspiré? Comment? Oui, oui, c'est un peu unique dans le sens où on est sur une zone géographique qui est bien déterminée, mais des réseaux existent par ailleurs en France, hein, on n'est pas les seuls. Et donc il y a de nouveaux réseaux qui tentent à émerger, notamment c'est ce que je disais tout à l'heure sur Saint-Étienne Métropole, le contrat territoire lecture qui prend exemple sur notre réseau pour essayer d'étendre à l'ensemble de Saint-Étienne Métropole, sur les 53 communes, ce qui se fait sur la vallée du Gier. Pour vous, en tout cas, l'expérience là, c'est 21 communes, 17 médiathèques. Comment en fait aussi en termes de cartographie, c'est concrétiser ce réseau, les communes participantes, les médiathèques également finalement incluses ou non dans ce réseau? Est-il appelé à s'élargir? Enfin voilà, comment fonctionne-t-il exactement? Toutes les communes du pays du Gier sont parties prenantes, sauf certaines communes n'ont pas de médiathèque. Donc on en a 4 communes qui n'ont pas de médiathèque, notamment prenez Noisieux qui se réfère à la terrasse sur Dorlaix, Farnay avec Sainte-Croix-en-Jarret. Donc voilà, ce sont des communes qui sont partie prenante du réseau et des médiathèques. Donc voilà, donc ça permet d'apporter un petit peu plus de culture, de lecture à ces communes qui sont un petit peu éloignées et qui n'ont pas les moyens d'avoir de médiathèque. Alors, ces communes dépendent en grande partie de l'agglomération de Saint-Étienne Métropole, tout de même, mais là, c'est le syndicat intercommunal des Pays du Gier qui pilote ce réseau. Quelle politique? Parce qu'on n'associe pas forcément politique culturelle et syndicat intercommunal. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une méconnaissance, justement? Et comment cela s'applique, en tout cas, pour les Pays du Gier? Les communes du Pays du Gier ont en commun ce très beau territoire de cette vallée, de ces coteaux, cette volonté de vivre ensemble et de partager des liens forts. La culture, c'est le lien qui nous réunit toutes et tous et qui nous ouvre aussi à d'autres réalités. Et donc, effectivement, dans ce pays du Gier est né le fait intercommunal, bien avant que Saint-Étienne Métropole n'émerge et remplisse un autre rôle qui est aussi important. Mais ça n'efface pas cette solidarité intercommunale et puis cette capacité que nous avons à vivre ensemble dans ce beau pays du Gier. Donc, la culture est apparue au fil des mandats, comme un élément justement qui forge un peu l'identité de ce pays du Gier. Et puis on a ici aussi, il faut le dire, à travers nos 17 médiathèques, 120 bénévoles qui les font vivre dans les communes peut-être plus rurales, 50 agents de la fonction publique territoriale dans les communes plus urbaines. Et donc c'est une vraie richesse qu'on met en partage et qui nous aide justement à nous ouvrir auprès de l'ensemble des habitants, faire accéder à la lecture, faire accéder à la culture, des expositions, des événements. Et donc voilà, c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux de sociabilité, d'ouverture aux autres, et c'est ça qui fait aussi la richesse de notre pays du Gier. D'autres événements, là vous encouragez bien sûr au travers d'un événement et d'un prix tel que celui-ci à la lecture, à encourager bien sûr à aller à la découverte des livres, à ouvrir les livres, ce qui n'est pas chose évidente dans notre monde très numérisé aujourd'hui. Quel autre levier par exemple aussi, vous pouvez utiliser, travailler pour aller en ce sens? Je sais qu'il y a d'autres fêtes littéraires, je pense à Rive de Gier, Vincent Bonny, et notamment le festival BD Art qui va se tenir dans quelques semaines. Voilà, quels sont un petit peu les grands axes peut-être en matière de à la fois lecture, littérature, autour du livre de manière générale? C'est comme on essaie de le faire ici avec ce nouveau prix, de rentrer en résonance avec des aspirations, des préoccupations des habitants. On se tourne auprès des jeunes, des lycées hôteliers de la vallée du Gier. Probablement qu'à 15 ans, 16 ans, on n'est pas toujours aspiré immédiatement par la lecture. Mais là, on va s'adresser à eux très directement, on leur fait signe. On a besoin d'eux, on a besoin de leurs compétences, de leur travail. Et on leur demande leur opinion sur les ouvrages qui sont sélectionnés, qui sont d'ordre différents. Hein. On a des BD, on a des romans, on a des essais, donc on a vraiment des niveaux de lecture très, très différenciés, des ouvertures voilà, sur des publics très différenciés. Donc c'est entrer en résonance avec la vie des habitants de nos communes, de nos notre pays du Gier pour justement leur permettre d'entrer dans cette démarche culturelle. Il y a d'autres événements effectivement un peu partout dans le pays du Gier. Vous avez cité, je vous en remercie, le grand festival régional BD Art qui est né et qui se développe dans la commune de Rives-de-Gier et qui rayonne, qui appelle du monde de l'ensemble de la vallée. D'ailleurs, les auteurs et les bénévoles de l'association vont aussi dans les écoles de l'ensemble des communes qui s'ouvrent à cette démarche-là pour permettre aux enfants d'apprendre à dessiner, à entrer dans cet univers de la BD. Donc c'est un souhait largement partagé, je crois, de faire en sorte que la culture soit ce trait d'union entre l'ensemble des habitants. Simplement pour terminer, beaucoup de partenaires, notamment dans le cadre aussi de ce prix littéraire dont le lancement est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir sur peut-être un petit peu le déroulé à suivre, les échéances peut-être à suivre de ce grand prix dont le lancement est aujourd'hui, 4 lauréats finalement présentés pour une remise, il me semble, d'un prix au mois de juin prochain. Donc que va-t-il se passer pendant encore tous ces mois à venir? C'est aussi un grand nombre de partenaires, une programmation culturelle sur l'ensemble du réseau précisément, mais peut-être revenir un petit peu sur quelques dates et axes ou temps clés. Simplement de novembre à juin, ces ouvrages-là seront à disposition du public dans toutes les médiathèques. Donc le réseau va fournir un certain nombre de documents. Le département aussi, il est associé avec nous, la médiathèque départementale de la Loire. Donc ce qui nous intéresse, c'est de faire venir les gens prendre connaissance de ces ouvrages, se les approprier, se faire leur avis et de pouvoir voter. Alors les faire venir, quand on n'a pas l'habitude, c'est effectivement les événements culturels, tels qu'ils ont été définis, une projection de film, un spectacle, voilà, des choses comme ça qui rendent vivant nos médiathèques et donc d'attirer ces personnes, les jeunes ou moins jeunes, qui vont participer comme cela tout au long de l'année au choix du lauréat. Très bien, avec un lancement qui se fait là au lycée hôtelier de Saint-Chamond, on reste dans le milieu de la cuisine et le match retour, vous l'avez dit. Une réception à l'hôtel, au lycée hôtelier de Rives-de-Gier. Voilà. Au mois de juin prochain. En vous remerciant. Merci beaucoup. Voilà pour de page en page l'événement littéraire des Pays du Gier qui fait bouger les lignes. Un événement qui offrira donc sur tout le territoire du Pays du Gier une programmation culturelle itinérante, exposition, projection de films, ateliers d'écriture, spectacles, lectures pour petits et grands, conférences, balades comptées dans le Pila, animation numérique, sans doute plateau radio de ce mois de novembre jusqu'à juin prochain 2025. Donc ce sont plus d'une vingtaine d'animations culturelles qui seront organisées en médiathèque. Alors vous l'avez entendu, d'ordinaire les prix littéraires font la part belle aux romans et avec cet événement nouvellement en place de page en page, l'objectif est de faire découvrir aux lecteurs, lectrices, participants des livres de genres différents, de développer la curiosité et la rencontre entre des pratiques de lecture diverses. Alors ces ouvrages sélectionnés sont parus récemment et traitent tous de la gastronomie sous la forme du roman, de la bande dessinée ou de l'essai avec des niveaux de lecture différents pour toucher tous les publics. 4 lauréats ont été annoncés et présentés à l'occasion de ce lancement le 13 novembre dernier et je vais vous proposer précisément de retrouver les présentations de ces 4 ouvrages de genres différents qui ont été donc présentés. C'est d'ici un instant, toujours sur le 895 de Dieu, l'occasion aussi en premier lieu, vous allez l'entendre, de revenir sur la façon dont les sélections ont pu être faites. Donc toutes les bibliothécaires du réseau se sont réunies régulièrement pour essayer de trouver certains ouvrages. Donc on en a eu beaucoup, on en a lu on va dire une quinzaine je pense. Donc avec différents genres, il y a donc des bandes dessinées, des romans et des documentaires, des essais. Voilà, et on a choisi donc 4 documents, donc 2 bandes dessinées, un roman et un essai. Ok, alors est-ce qu'il serait possible de les présenter en quelques mots? Donc donner le titre, l'auteur-autrice et éventuellement les maisons d'édition, éventuellement aussi qui soutiennent ces ouvrages. Il faut en parler, la maison d'édition. Donc là, c'est donc Mangeuse, donc là, c'est l'essai. Donc Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, de Lorraine Malka, aux éditions Les Pérégrines. Et Lorraine Malka est déjà connue parce qu'elle participe à l'émission de Jamie Gourmaud, Les Épicurieux, ainsi qu'au journal Cosette. Et c'est quelqu'un qui a écrit, qui a fait une enquête sur le rapport entre la nourriture, la cuisine et les femmes. Voilà. Mais ce n'est pas un ouvrage réservé qu'aux femmes, je précise. C'est le coup de cœur de Béatrice. De quelle médiathèque? De Rive de Gier. Merci. On fait le petit tour suivant sur les trois autres ouvrages. Alors, il y a aussi le roman. Toutes les histoires commencent par une petite fin, de Magali Discours, aux éditions L'Archipel. Donc, c'est un roman, c'est l'histoire de deux sœurs. C'est un roman plein d'histoires, sur l'histoire en général avec un grand H, et plein de petites histoires au pluriel. Une des deux sœurs se cherche, elle trouve du réconfort auprès de sa grande sœur, et tout se construit autour de la cuisine et des recettes familiales. Ça se déguste, ça se savoure, et c'est tout doux, en fait. Voilà. Et donc là, c'est le coup de cœur de... Alors, Natacha de la médiathèque de l'Orme. Okay. Ensuite, moi, je vais vous parler de la bande dessinée Les Pays d'Amir, donc aux éditions Grand Angle. Donc, c'est un scénario de Séverine Vidal, qui est une autrice française, notamment en littérature ado, avec des dessins d'un Espagnol, Adrián Huelva. Et ça parle d'Amir qui a émigré de Syrie, enfin, il a fui la Syrie en guerre, et qui rencontre, lors d'une soirée, enfin, il se blesse, il rencontre une infirmière française, Solange, et quelques jours plus tard, lorsque son squat brûle, elle décide de l'accueillir chez elle, dans sa famille, et là, on suit en fait son parcours d'adaptation au sein de cette famille française, et comment la cuisine crée le lien entre lui et cette famille. C'est très beau, c'est plein d'humanité, c'est très optimiste, et avec de magnifiques dessins, et c'est le coup de cœur d'Emmanuel de la médiathèque de l'Orme. Merci beaucoup. Voilà, donc si vous pouviez présenter, c'est une autre BD, oui, une autre, pour le quatrième et dernier ouvrage. Qui s'intitule Ulysse et Cyrano, une magnifique bande dessinée avec un graphisme exceptionnel, une très belle histoire d'amitié, de deux parties, enfin, dans une époque difficile, et une belle amitié, de belles rencontres, et tout tourne autour de la cuisine, notre thème pour cet événement littéraire. Vous pouvez redonner le titre et puis les références en termes de maison d'édition aussi. Alors, Ulysse et Cyrano, alors les auteurs, Xavier Dorizon, Stéphane Servin et Antoine Cresto. Voilà, chez Casterman. Voilà. Et donc c'est le coup de cœur de... La médiathèque de Saint-Chamond. Et vous êtes... Corinne de la médiathèque de Saint-Chamond. Merci. Merci à vous. Et voilà pour ces quatre lauréats mangeuses. Histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, de Lorraine Malka. Toutes les histoires commencent par une petite fin, de Magali Discours. Les Pays d'Amir, de Séverine Vidal et Adrián García Huelva. Et Ulysse et Cyrano, d'Antoine Cristo, Xavier Dorizon et Servin. Toutes les médiathèques, voilà, vont ainsi proposer ces livres aux lecteurs, lectrices, participantes, qui désigneront ainsi leur coup de cœur parmi donc ces quatre œuvres à partir d'un bulletin de vote. Le lauréat sera l'ouvrage ayant reçu le plus grand nombre de coups de cœur. La participation est gratuite. Il suffit pour ceux d'être adhérents, adhérentes dans une des médiathèques du réseau Itinérance, donc des Pays du Gier ou de Lorette, qui participent également, et de s'inscrire donc comme participant. Toutes les infos, justement, ou inscription possible via le site dédié www.médiathèquepaysdugier, tout accroché en minuscule, médiathèque au pluriel, médiathèquepaysdugier.org, et vous aurez toutes les infos. La remise du prix se fera donc à l'issue de toute cette programmation culturelle dont je vous parlais tout à l'heure, au mois de juin prochain, au lycée hôtelier, cette fois de Rive de Gier, après ce lancement au lycée hôtelier de Saint-Chamond. C'était le 13 novembre dernier, avec cette présentation, ces 10 ans du réseau Itinérance, et puis le spectacle même qui était proposé aux terrasses vagabondes du collectif Les Bleues Luisantes et collectif Libration. Voilà pour cet événement littéraire de Page en Page, l'événement littéraire du GIE qui fait bouger les lignes. L'occasion de vous rappeler donc cette initiative et sa programmation culturelle à suivre tout au long de cette année ou de cette saison, que nous suivrons avec attention sur le 895 de Dieu. Et puisque nous évoquions la BD et le livre encore à l'honneur à Rive de Gier, vous l'avez entendu, avec la 26e édition du Festival de la Bande Dessinée BD Art, qui va se dérouler cette fin de semaine. Et oui, c'est ces 30 novembre et 1er décembre. Ça va se dérouler à Rive de Gier, avec pour invité d'honneur Franck Marjorin quand même, de nombreux auteurs, autrices, invités, des locaux. Je pense à Ulrich Stahl, Zelba, il y a Francis Vallès, il y a Jean-Christophe Chosy tout de même, il y a Alep, Deloupi et j'en passe. Bref, ils sont très nombreux et nombreuses à être présents pour ce festival BD Art, le festival de la BD de Rive de Gier, avec au-delà des auteurs, autrices présentes, eh bien, tout un programme, hein, dédicace, atelier BD gratuit animé par des auteurs, atelier créatif en partenariat avec le cyberespace, l'espace lecture, vente de livres neufs et occasions avec notamment la librairie Stéphanoise, librairie de Paris, de quoi se restaurer sur place. Ne manquez pas cet événement, 26e festival BD Art. Ça se déroule salle des fêtes Jean d'Asté de Rive de Gier ce samedi 30 novembre de 14 à 19h et ce dimanche 1er décembre de 10 à 18h. Quelques infos très rapidement pour boucler ce programme avec toujours du livre à l'honneur, une autre librairie stéphanoise, celle-ci, il s'agit de l'une et l'autre bien sûr, la librairie située 19 rue Pierre Bérard à Saint-Étienne qui propose différents événements, tant de rencontres et dédicaces, c'est souvent le cas hein, avec un programme de rencontres chargées pour la librairie qui, pour cette semaine, propose une rencontre auprès de Michel Rothenberg, anthropologue, professeur émérite de sociologie à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, pour la parution de son livre dont nous avons déjà parlé sur cette antenne, L'imaginaire patrimonial. C'est une rencontre prévue à 19h à la librairie ce mardi 26 novembre. Et puis, ce samedi 30 novembre, toujours à la librairie une et l'autre, à partir de 14h30, tut et la épître qui s'installe dans la librairie pour une séance de dédicace de leur dernier livre, Klaxonné. Quelques rendez-vous encore à vous rappeler, c'est les syndicats CGT et Sud de l'université Jean Monnet qui nous ont rappelé cette conférence publique gratuite qui aura lieu ce 27 novembre à partir de 18h, invitant Pierre Stamboul, qui est porte-parole de l'Union des Juifs de France pour la paix, qui viendra parler de son livre en cours d'écriture, du projet sioniste au génocide. Un sujet d'actualité, forcément. Ce sera ce 27 novembre à partir de 18h à la Bourse du Travail, salle Sacco et Vanzetti, située 4 cours Victor Hugo à Saint-Étienne, je le précise, parce que si cette conférence était initialement prévue dans les locaux de l'université, elle a dû être déplacée à la Bourse du Travail en raison de l'exigence assez incroyable qui a été imposée de fournir une liste des participants. Donc voilà, en tout cas là, un événement véritablement tout public qui aura lieu donc à la Bourse du Travail ce 27 novembre à partir de 18h. Deux autres rendez-vous à vous rappeler. Rencontre avec Stop Mine 03, mine de lithium, ni ici ni ailleurs. Lutte contre le projet de mine à Échassières dans l'Allier, dans le 03. Critique du technosolutionnisme et de la transition écologique. Refus de l'extractivisme ici comme ailleurs. C'est organisé par la coordination régionale anti-armement et militarisme Écran Total Lyon, Stop Micro et Stop 5G Lyon. Et ce sera à Saint-Étienne ce mercredi 27 novembre à partir de 18h30 à la Dérive, le lieu local situé 91 rue du Rafour à Saint-Étienne. Et oui, on rappelle que ce sera peut-être l'occasion justement de rappeler aussi les problématiques locales. On parle de lithium là, mais on sait qu'il y a aussi des résidus d'exploitation minière d'uranium. Localement, vous le savez, c'était une cartographie réalisée par le réseau Sortir du Nucléaire avec ces résidus d'exploitation minière d'uranium localement, on le sait, présents à Périgneux, Grézieux-Fromental, Saint-Priest-la-Prune, Mariolles, Montverdun et j'en passe. Voilà pour ce rendez-vous en tout cas concernant les mines de lithium, ni ici ni ailleurs. Mais ce sera à Saint-Étienne en rencontre conférence ce 27 novembre, 18h30, La Dérive à Saint-Étienne. Une autre rencontre, projection, débat, fruits amers, l'exploitation des saisonniers agricoles. C'est organisé par le syndicat des travailleuses de la terre et de l'environnement avec l'union locale CNT 42. Ça se passera ce samedi 30 novembre à 16h au Treuil à Chambœuf. Vous connaissez ce tiers-lieu rural dont on vous parle très régulièrement sur cette antenne et dont d'ailleurs nous reparlerons très prochainement après avoir suivi le forum départemental consacré à l'eau avec le collectif Partage Eau qui a eu lieu le 16 novembre dernier à Saint-Galmier. Mais vous pouvez d'ores et déjà noter ce rendez-vous donc de ce samedi 30 novembre au Treuil à Chambœuf à 16h. Donc projection débat fruits amers, l'exploitation des saisonniers agricoles. C'est la toute fin de ce programme des mots des sons sensibles du jour. On va vous recommander d'être prudent, notamment au vu des conditions météorologiques du jour. On le rappelle, nous sommes en alerte météo France, vent violent. La ville a fermé ses parcs, jardins et enceintes sportives de plein air, et ce jusqu'à cette fin de journée. Soyez donc prudents. Et puis finir avec un vent de folie qui va souffler là sur la salle culturelle de l'Échappée à Sorbier cette fin de semaine et ce vendredi 29 novembre à partir de 20h pour l'ouverture des portes. C'est un très bon concert que l'on attend avec impatience. C'est le grand retour de la formation des Butt Shakers et leur soul chaude et addictive avec la voix envoûtante et l'énergie de sa chanteuse charismatique Ciara Thompson. Ils sont de retour, ce sera voilà, une touche de garage, de la soul, du rhythm and blues. Très efficace bien sûr, ça se passe à l'Échappée ce 29 novembre. Et pour ceux, eh bien, nous avons des places à vous proposer sur le 895 de Duo. Et oui, cadeau, n'hésitez pas à nous contacter au bout du clic. Un petit mail sympathique à redac@radioduo.org ou n'hésitez pas au bout du fil tout de suite maintenant. Ça se passe au 04 77 25 05 94. On en profite pour écouter les Butt Shakers ici de leur album Arcadia. C'est ce très bon Keep on Pushing que je vous propose en guise de générique de fin. Tout bon chez vous, portez-vous bien. On se retrouve demain même lieu, même heure pour une émission spéciale consacrée au conseil municipal de Saint-Étienne. Nouvelle séance qui se tient en ce lundi 25. Retour à chaud ce mardi 26. À très bientôt, ciao, bye.